Faut qu'on s'organise pour pouvoir mieux gérer la crise. Je suis enfermé, trop de portes sous mon nez se sont fermées. Des bâtons dans la roue l'empêchent de tourner. Trop de journées, un problème qu'on n'a pas pu contourner. À part les miens, j'ai pas trop ce qui me retient. Je me parais de ce trou à ras vers un avenir sûrement lointain. Pourquoi ma destinée a fait de moi un diabolique bordélique que la chance a esquivé. J'ai pas envie de passer la moitié de ma vie à serrer des boulons, des vis ou mettre en place des rivets. J'aurais aimé être archéologue ou chercher de l'or dans les rivières. À chacun son job, y'en a qui taffent dehors et d'autres dans les rizières. Je remercie Dieu de me donner la force ainsi que la vision sous ma visière. Ici c'est pas le Darfour, mais on côtoie d'une autre façon la misère. Quand t'as pas de taf et tu dois payer le loyer et que dans tes larmes tu t'es noyé. La folie t'a fait craquer, la police t'a rattrapé. Parce que ta femme tu l'as frappé. À 20 ans, je me sens emprisonné dans les mêmes environnements. T'avais raison maman, maintenant je comprends à quelle vitesse passe le temps. Je suis enfermé, enfermé. Trop de portes sous mon nez se sont fermées. Des bâtons dans la roue l'empêche de tourner. Trop de journées, un problème qu'on n'a pas pu contourner. Je suis enfermé, enfermé. Trop de portes sous mon nez se sont fermées. Des bâtons dans la roue l'empêche de tourner. Trop de journées, un problème qu'on n'a pas pu contourner. À la base, j'ai jamais été motivé, tout ce qui me passait par la tête, je le faisais sans hésiter. Mais beaucoup de gens m'ont mis des bâtons dans les roues, signe de jalousie. J'sais pas et je m'en fous, j'ai toujours voulu taffer dans le son, mais à l'école la flûte c'était pas trop ma passion. Je peux dire qu'aujourd'hui je rame et parfois je déprime. Tout ce que je dois payer me rime, tout le monde se fout de ma sœur qui trime. Ils trouvent aucune solution à nos problèmes, mais quand t'as du fric, là y'a nos problèmes. Fils de bourge, te sens tu sais bien dans ta tête. Pour nous les portes sont fermées, mais la galère nous fait tenir tête. Et peut-être qu'un jour notre peur apercera quand tu t'apercevras qu'il y a du vécu dans nos œuvres. Le maire, le commissaire, les boîtes à dirimer, c'est que du business. De toute façon, tout le monde nous l'a fait à l'envers. Je suis enfermé, fermé. Trop de portes sous mon nez se sont fermées. Des bâtons dans la roue l'empêche de tourner. Trop de journées, un problème qu'on n'a pas pu contourner. Je suis enfermé, fermé. Trop de portes sous mon nez se sont fermées. Des bâtons dans la roue l'empêche de tourner. Trop de journées, un problème qu'on n'a pas pu contourner. J'imagine que mes darons avaient d'autres projets pour moi que de me voir tourner en rond sans même savoir pourquoi. Tu cherches une rue dans l'ombre, n'hésite pas à me demander. Je trouverai mes repères même avec les yeux bandés. Depuis gamin, je cherche les mêmes mains dans les mêmes chemins. On est comme attaché à une chaîne qui nous empêche d'aller loin. Si je suis resté ici, c'est pas parce que j'ai su m'y plaire, mais parce que c'est la galère pour passer le mi-père. Puis je me suis dit c'est bon, maintenant j'ai le papier rose. Mais en réalité, ça a pas changé grand chose. Au lieu de bloquer devant le même bloc, je passe d'un squat à l'autre et je me tourne les pouces. Au rythme de l'horloge, j'en ai chopé des crampes. Et le comble, c'est que quand je m'absente, ça manque. Alors j'y retourne comme un con. Et en attendant que la roue tourne, je patiente sagement. Je suis enfermé, fermé. Trop de portes sous mon nez se sont fermées, fermées. Des bâtons dans la roue l'empêche de tourner. Trop de journées, un problème qu'on n'a pas pu contourner. Je suis enfermé, fermé. Trop de portes sous mon nez se sont fermées, fermées. Des bâtons dans la roue l'empêche de tourner. Trop de journées, un problème qu'on n'a pas pu contourner.